Actes chapitre 12. En ce même temps le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns de ceux de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua, en faisant prendre aussi Pierre. Or c'était les jours des pains sans levain. Et quand il l'eut fait prendre, il le mit en prison, et le donna à garder à quatre bandes, de quatre soldats chacune, le voulant produire au supplice devant le peuple, après la fête de Pâques. Ainsi Pierre était gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Or, dans le temps qu'Hérode était prêt de l'envoyer au supplice, cette nuit-là même Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et les gardes qui étaient devant la porte, gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison, et l'ange frappant le côté de Pierre, le réveilla, en lui disant, « Lève-toi légèrement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Ceins-toi, et chausse tes souliers. » Ce qu'il fit. Puis il lui dit, « Jette ta robe sur toi, et me suis. » Lui donc sortant, le suivit, mais il ne savait point que ce qui se faisait par l'ange, fut réel, car il croyait voir quelques visions. Et quand ils eurent passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer, par où l'on va à la ville, et ces portes s'ouvraient à eux d'elles-mêmes, et étant sortis, ils passèrent une rue, et subitement l'ange se retira d'auprès de lui. Alors Pierre étant revenu à soi, dit, « Je connais à présent pour sûr, que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, et de toute l'attente du peuple juif. » Ayant considéré le tout, il vint à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où plusieurs étaient assemblés, et faisaient des prières. Et quand il heurtait à la porte du vestibule, une servante, nommée Rhode, vint pour écouter. Laquelle ayant connu la voix de Pierre, de joie n'ouvrit point le vestibule, mais elle courut dans la maison, et annonça que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle assurait que ce qu'elle disait était vrai, et eux disaient, « C'est son ange. » Mais Pierre continuait à heurter, et quand ils eurent ouvert, ils le virent, et furent comme ravis hors d'eux-mêmes. Et lui, leur ayant fait signe de la main qu'il fît silence, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison, et il leur dit, « Annoncez ces choses à Jacques et aux frères. » Puis sortant de là, il s'en alla en un autre lieu. Mais le jour étant venu, il y eut un grand trouble entre les soldats, pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode ayant cherché, et ne le trouvant point, après en avoir fait le procès aux gardes, il commanda qu'ils fussent menés au supplice. Puis il descendit de Judée à Césarée, où il séjourna. Or il était dans le dessein de faire la guerre aux Tyriens et aux Sidoniens, mais ils vinrent à lui d'un commun accord, et ayant gagné Blaste, qui était chambellan du roi, ils demandèrent la paix, parce que leur pays était nourri de celui du roi. Dans un jour marqué, Hérode, revêtu d'une robe royale, s'assit sur son trône, et les haranguait. Sur quoi le peuple s'écria, « Voix d'un dieu, et non point d'un homme. » Et à l'instant un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait point donné gloire à Dieu, et il fut rongé des vers, et rendit l'esprit. Mais la parole de Dieu faisait des progrès, et se répandait. Barnabas aussi, et Saul, après avoir achevé leur commission, s'en retournèrent de Jérusalem, ayant aussi pris avec eux Jean, qui était surnommé Marc.